Faut pas qu'il s'éteigne, faut qu'il reste allumé, la soirée jeune. Tout ce qui reste, faut le consommer. Tellement que j'ai les yeux rouges, on dirait que les murs bougent. Quand je m'acheuse, les talons m'échouent. Je me traîne les pattes, y'a pas de stress quand je fais mon bat. Je veux que mon feeling come back. Je fais une coupe de corps quand je me retrouve à sec. On se réunit sur le bord du fleuve pour se sucrer le bec. J'aspire jusqu'à temps que je m'étouffe avec mes compliments, chef, pour cette délicieuse recette. Issue d'une culture secrète, plus petit garde-robe jusqu'aux plus grandes forêts du Québec. Pose une plante orange et verte, collante comme la gommette, qui sent si fort qu'une moufette. Quand la récolte est prête, facile à vendre, tout le monde l'achète. Les bottes circulent en cachette, tout le monde dit que c'est lui qui fait pousser le best. Fume ça, pis ton masserie direct sur tes deux fesses. Pof, jusqu'à temps de plus être capable de faire un seul geste. Boucan sur mon bif, pis pense-moi le blanc que je te burn le reste. Dis que c'est pas un mic, ferme ta gueule, pis passe le blunt. Et vos tours tour à contre, on fait tour à tour. J'ai dit que c'est pas un mic, ferme ta gueule, pis passe le blunt. Et vos tours tour à contre, on fait tour à tour. Man, mama, we have feel the power run through my veins. Oh, Jah Jah Lord, spirituality run through my brain. Jusqu'à temps d'être bien pété, mais faut pas t'inquiéter, mes yeux sont rouges. Je sais, smoke, c'est comme ça que tu peux m'appeler. Fumer, c'est bon, mais faut que tu t'assures qu'à chaque coup que tu fumes, ça soit ce beat là qui j'suis dans tes caisses de sang. Fumer, fumer, je veux voir vos yeux rouges briller. Pas dans les arbres, l'eau pour fumer. Fumer, fumer, pour fumer, on sera pas prié. Je veux juste vous entendre crier fumer. Hey, quoi, y'est pas roulé, j'ai pas de conseil à donner. Mais qu'est-ce t'attends pour mettre le weed dans le papier? On a toujours une occasion de fumer après un bon café. Avant une game d'hockey, consommation exagérée. Pas d'argent pas t'en fumer, n'est pas question de lâcher, on fait pousser. Écoute à ça, passant une bonne bouffe jusqu'à t'étouffer. Ceux qui sont pas déshabitués retournent se coucher. Manu ADN cause la fumée. Man, mama, weed, I feel the power run through my veins. Oh, Jah Jah Lord, spirituality run through my brain. Faut qu'il reste allumé, la soirée est jeune. Le smoke fest vient de commencer. Le blunt faut pas qu'il s'éteigne. Faut qu'il reste allumé, la soirée est jeune. Tout ce qui reste faut le consommer. What they say now, the what they say. Diggity, what they say now, the what they say. We'll be right back.